الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 82 dans la lecture du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Sheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah, dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Au dernier cours, on a terminé par la lecture du hadith de Khutbat al-Hajj, le dernier discours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant le Hajj d'adieu. Et on a lu donc certains éléments qui ont rapport avec qu'est-ce qui est dans ce hadith, le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que vos saints et vos biens et vos personnes sont sacrés de la même manière que ce jour, de la même manière que ce mois et de la même manière que cette terre ou que ce pays, c'est-à-dire aussi sacré que le jour de Arafat, que le mois de Dhul-Hijjah et que la Mecque, hein, que les terres saintes. Et donc l'injustice d'un musulman envers un autre est interdite, hein, et que c'est sacré. Donc sa vie est sacrée, son honneur est sacré, son sang est sacré, ses biens sont sacrés, hein, autant que le jour de Arafat, autant que le mois de Dhul-Hijjah, autant que la terre sainte. Et donc, tout ça c'est tout ce qui avait rapport avec la jahiliya, ou qu'est-ce qui se faisait avant l'islam, d'injustice, d'ignorance, de meurtre, ou de tuerie, ou de vengeance, ou de vendetta, tout ça c'est passé, c'est invalide. Et c'est pour ça qu'il a dit que le premier saint, ou la première vengeance que j'annule, c'est celle de c'est quoi? C'est celle de Ibn Rabi'a Ibn al-Harith. Après, il a mentionné que le riba est invalide également. Il n'y a plus de riba, il n'y a plus d'intérêt. Et ceux qui devaient une dette avec intérêt, c'est annulé. Il n'y a plus d'intérêt dessus. Il dit la première dette avec riba que j'annule, c'est celle de Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Et il a ensuite donné des conseils envers la femme et de bien agir envers elle. Et il a mentionné comment on doit les traiter avec bonté. Et il a ensuite pointé vers le ciel en disant « Oh Allah, sois témoin ». Puis il a pointé vers les sahaba. Il a pointé vers le ciel, puis vers les sahaba, puis il a dit « Est-ce que j'ai bien transmis le message ?» Et les sahaba ont dit « Oui, tu as bien transmis le message. » Et après il a dit « Oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin, oh Allah soit témoin. » Donc ça c'est un résumé. Il y a des versions de Hajjat al-Wada qui sont plus élaborées, plus détaillées, et il y en a d'autres qui sont comme celle-ci, elle est plus résumée. Mais comme on avait dit au dernier cours, à la fin, qu'est-ce qu'on va lire dans les cours qui suivent, c'est en fait l'explication détaillée de qu'est-ce qui est dans ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les explications donc de Cheikh Saleh al-Fawzan à ce sujet. Donc il dit هذا حديث عظيم اشتمل على احكام ووصايا من سيد المرسلين لامته. Donc le Cheikh dit ça c'est un hadith immense, important, qui comprend plein de règles et de conseils de la part du maître et du meilleur des messager envers sa umma. Et parfois, on ne peut pas comprendre la grandeur d'un hadith ou l'importance d'un hadith à cause de la limite de notre connaissance. Donc, c'est pour cette raison-là que on a besoin des ulama pour nous expliquer la signification des hadiths, la signification des versets. Peut-être que parfois on entend un verset, on entend un hadith, on le comprend d'une façon, mais la façon dont on le comprend est vraiment très limitée. Parce que notre science, elle est limitée. Et lorsqu'on entend l'explication du savant et qui clarifie la signification d'un hadith, c'est là qu'on réalise à quel point la science, elle est plus grande que les montagnes. Et elle peut être vraiment différente d'une personne à une autre. Et qu'on comprend par la suite pourquoi les gens sont différents dans leur compréhension de l'islam et dans leur religion et dans leur foi, et ainsi de suite. Donc là, on va voir un peu plus comment le cheikh, lui, il a compris ce hadith et comment il l'explique avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et donc il dit وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي سِيَاقِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَسُمِّيَتْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَدَّعَ فِيهَا النَّاسِ فقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. Donc le cheikh il explique que ce hadith fait partie du hadith qui est mentionné au sujet du hajj d'adieu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour laquelle il l'appelle le hajj d'adieu, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses adieux aux gens dans ce hajj. Il a dit il se peut que je ne vous revoie plus après cette année. Il se peut que je ne vous revoie plus après cette année. Et le cheikh il dit وَلَمْ يَحُجُّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ الْبِعْثَةِ غَيْرَ هَذِهِ الْحَجَّةِ. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم après, il n'a pas fait d'autre hajj après ce hajj là. Ça a été son dernier hajj. Il dit وَأَمَّا الْعُمْرَ فَقَدْ اِعْتَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait 4 fois la umra. Il dit اِعْتَمَرَ فِي الْجِعْرَانَ وَاَعْتَمَرَ عمرة الحديبية وهي العمرة التي صد فيها عن البيت ورجع إلى المدينة واعتمر عمرة القضاء وهي العمرة التي اتفق مع المشركين عليها في الحديبية بأن تكون في العام القادم وسميت عمرة القضاء بمعنى مقاضات المقاضاة والرابعة عمرته التي قَرِنَهَا مَعَ حَجَّتِهِ هَذِهِ. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 4 hajj, un hajj d'adieu et 4 umrah. Il explique que une de ces umrah c'est celle qu'il a fait à partir de Jarana. La deuxième c'est la umrah qu'il a fait l'année de Al-Hudaybiyah. Et justement, à ce moment-là, c'est lorsqu'il a été empêché par les mushrikines d'approcher la Mecque. Hein? Ils lui ont interdit d'approcher la Mecque. Et donc, il a signé le traité, hein? L'entente de paix de Al-Hudaybiyah avec les mushrikines, et il est retourné à Médine. Ensuite, il y avait une autre umrah qu'il a fait, qu'on appelle umratul qada, dans laquelle il a fait une entente avec les mushrikines. Parce qu'ils avaient dit qu'il allait pouvoir faire la Umra l'année suivante, donc c'est la Umra qu'il a fait pour remplacer celle qu'il n'avait pas pu faire cette année-là. Puis la quatrième Umra qu'il a fait, c'est la Umra qu'il a fait réunie avec son Hajj, hein, parce qu'il a fait un Hajj avec il a fait un Hajj et il a fait avec une Umra. Donc le cheikh il dit ensuite وقد كانت خطبته العظيمه هذه في يوم عرفه فقد رحل صباح هذا اليوم من منى متوجها الى عرفه ونزل صلى الله عليه وسلم بنمره وهي قريه خربه على حدود مزدلفه بينها وبين عرفه ثم انه صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس رحل من نمرة ونزل في وادي عرنة وهو فاصل بين الحل والحرم ولا هو من عرفة ولا هو من مزدلفة فنزل فيه صلى الله عليه وسلم وخطب هذه الخطبة العظيمة البليغة ثم إنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم إنه صلى الله عليه وسلم رحل إلى عرفة ووقف بها فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب وصلى بعرنة ووقف بعرفة وفي خطبته بين صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وأركان الملة وأحكام التعامل والتحذير مما يحيط بالأمة من أخطار وقد حضرها الجم الغفير من المسلمين الذين وعوها ونقلوها. Donc le cheikh il explique que ça c'était donc يعني un grand serment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le jour de Arafah. Il était parti tôt le matin de Mina en se dirigeant vers Arafah, puis il est descendu à un endroit qu'on appelle Namira. C'était un village qui était détruit, qui était à la limite de Muzdalifa, entre Muzdalifa et Arafah. Puis ensuite il est descendu, ensuite il dit lorsque le soleil est arrivé à son zénith, il est allé à Namira. Puis il est resté dans la vallée de Urana, et c'est là que c'est un endroit qui est entre, un espace entre Al-Hal wa Al-Haram, en tout cas entre deux endroits. Puis il dit que c'est cet endroit-là, c'est là qu'il était. Ça ne fait pas partie de Arafah, ça ne fait pas partie de Muzdalifa, c'est entre les deux. Et puis il a dit c'est à cet endroit-là qu'il est descendu, qui s'est installé. Puis il a fait la khutbah, la grande khutbah, qui était éloquente. Ensuite, il a prié la prière de Dhuhr et de Asr, jam'an wa qasran. Jam'an, ça veut dire il a fait Dhuhr et Asr tout de suite après. Et qasran, ça veut dire il a fait rak'atain, c'est-à-dire deux rak'at, il n'a pas fait quatre, parce que il était en voyage. Et il a dit thumma innahu sallallahu alayhi wa sallam rahila ila Arafah wa waqafa biha, il est allé à Arafah, puis il s'est tenu à Arafah par la suite, puis il est descendu vers Namira, puis il a fait la khutbah, et il a fait la salat comme on a dit à Urina, et il s'est tenu à Arafah, puis il a fait sa khutbah, et il a expliqué dans cette khutbah les règles de la religion, les principes et les fondements, les piliers de la religion, les règles du comportement. Il a mis en garde contre ceux qui pouvaient toucher la Ummah comme danger. Et il y a un grand nombre de musulmans qui ont assisté à ce discours, et beaucoup d'entre eux même l'ont mémorisé et ils l'ont transmis aussi. Il dit « Wa kana mimma qala fi hadhihi al-khutba inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha wa fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha wa ma'na inna dima'akum ya'ni safku ad-dima'i bighayri haqq li'anna ad-dam al-ma'soum la yajuzu safkuhu illa bihaqq. » Donc le cheikh il dit, et dans cette khutba il a mentionné des choses très grandes, très importantes, et parmi les points qu'il a mentionné, c'est que vos saints, vos biens sont interdits, sont sacrés pour vous. De la même manière que ce jour est sacré, et que ce mois est sacré, et que cette ville ou que cet endroit est sacré. Et le cheikh explique que la signification de votre sang est sacré, ça veut dire vous ne devez pas le faire couler injustement. Parce que le sang, il est protégé, il n'est pas permis de le faire couler, excepté si c'est pour une raison qui est juste et pour un droit. Il dit à ce sujet-là, il cite un verset dans le Coran, il dit وَقَالَ تَعَلَى وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. Donc, il dit فَلَا يَجُوزُ إِزْهَاقُ النَّفْسَ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْمُعَاهَدَةِ بِأَيِّ حَالٍ إِلَّا بِحَدٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ رِدَّةٍ كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 151 dans sourate Al-An'am, et il dit ne tuez pas l'âme, ne tuez pas l'âme que Allah a rendue sacrée excepté pour un droit, Et il explique donc qu'il n'est pas permis de prendre l'âme d'un musulman ou d'un non-musulman qui a une entente de paix avec les musulmans dans aucun cas excepté pour une peine, c'est-à-dire lorsqu'il y a la peine de mort, ou bien lorsqu'il y a un qisas, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, hein, lorsque quelqu'un a commis un meurtre, il sera exécuté selon la règle du qisas, c'est-à-dire du talion, et ou bien une apostasie. Lorsque quelqu'un apostasie l'islam, il est exécuté. Et il dit, comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique rapporté par l'imam muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, le sang du musulman n'est pas licite. Hein, le sang du musulman n'est pas licite. C'est-à-dire celui qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que le messager et que je suis le messager d'Allah. Donc le musulman qui témoigne de ça, son sang n'est pas permis, c'est-à-dire c'est interdit de le faire couler, excepté pour une des trois choses suivantes. Et il mentionne la première chose, as-sayyibu az-zani. As-sayyibu az-zani, c'est-à-dire la personne qui est mariée ou qui a déjà été mariée puis qui est divorcée. Hein, ou qui a déjà été marié, ou qui est veuve, ou qui est divorcé, et qui commet le zina, commet l'adultère. Cette personne, il est, bien entendu, la peine dans l'islam pour cette personne, c'est qu'il est lapidé selon la charia de l'islam, selon la loi et la législation islamique. Cette personne doit être lapidée dans un pays musulman par les autorités du pays musulman, c'est-à-dire par le musulman, le dirigeant musulman, après qu'il ait été jugé, bien entendu, puis qu'il y a eu des preuves et des témoins qui ont vu ce crime. Et bien entendu, il faut qu'il y ait 4 témoins. S'il y a moins que 4, c'est pas valable. Hein. Il faut absolument qu'il y ait 4 témoins qui ont vu l'acte, hein, explicitement. Et donc, s'il y en a juste 2, ça compte pas. S'il y en a juste 3, ça compte pas. Il faut qu'il y en ait 4. Et si les 4 ont témoigné qu'ils ont vu ça et qu'ils l'ont vu de façon explicite, alors dans ce cas-là, ça compte comme un témoignage et la personne, dans ce cas-là, elle sera reconnue coupable de zina et elle sera lapidée. Donc, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, an-nafsu bin-nafs, c'est-à-dire, dans la charia, c'est la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Si quelqu'un a tué, la peine pour ça, c'est qu'il soit tué. À moins que les héritiers de la famille du mort ou de la victime lui fassent miséricorde. C'est-à-dire, si la famille de la victime décide de faire miséricorde au tueur, alors dans ce cas-là, il est excusé, il ne sera pas exécuté. Naam. Et un autre cas, un autre exemple qui est mentionné, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a, c'est-à-dire celui qui a abandonné sa religion et qui s'est séparé du corps des musulmans. Donc, ça c'est le troisième exemple qui est mentionné dans le hadith, et c'est celui qui a apostasié l'islam. Donc lui aussi, dans l'islam, il y a la peine de mort pour ça. Et il dit وَكَذَلِكَ مِنَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَهَا نَفْسَ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ وَالذِّمِّ. Il dit également, parmi les vies qui sont sacrées et que Allah a interdit de tuer, il y a les vies de celui qui n'est pas musulman mais qui est protégé par un pacte ou par une entente de paix qui a été signée entre les musulmans et les non-musulmans. Et il donne 3 exemples de ça. Le premier cas, c'est Al-Mu'ahad. Le deuxième, c'est Al-Musta'man. Et le troisième, c'est Al-Zimmi. Donc, comme on dit des fois, hein, par exemple, on mentionne les non-musulmans, on les appelle en arabe les kuffars. Hein, les kuffars, les mushrikin. Donc, il faut savoir que parmi les kuffars, il y a différents degrés ou différentes catégories de kuffars. Il y a Al-Kuffar qui sont Al-Harbiyoun, c'est-à-dire ceux qui ils font partie des non-musulmans qui vivent dans un pays qui a déclaré la guerre aux musulmans et que les musulmans sont en guerre avec eux. Donc ceux-là sont Al-Harbiyoun. Il n'y a pas d'entente de paix entre eux et les musulmans. Ça c'est compliqué. Les Harbiyoun, c'est compliqué. Oui, ceux qui vivent dans une terre, il n'y a pas d'entente de paix entre ton pays et leur pays. c'est-à-dire les dirigeants de ton pays et de leur pays, ils se sont déclarés la guerre. Donc ça, ça veut dire que ce sont des harbiyoun. Harb, ça veut dire la guerre. Ils sont en guerre les uns contre les autres. Cette catégorie de kuffar, hein, ceux qui sont parmi eux les combattants et qui combattent les musulmans, ceux-là, il n'y a pas d'entente de paix avec eux. Donc, puisque c'est la guerre, lorsqu'ils sont en face des musulmans ou qu'ils arrivent face à face avec les musulmans et c'est là qu'ils vont se combattre. Et donc, il n'y a pas d'entente qui protège leur vie, leur sang et leur bien et leur personne. Ça, c'est licite, parce qu'ils sont en guerre. Mais ce n'est pas tous les koufars qui sont dans cette situation-là ou qui sont dans ce cas-là. Il y a d'autres, une autre catégorie des koufars qu'on appelle al-ghayr al-harbiyoun. C'est ceux qui ne sont pas des harbiyoun et ils sont différentes catégories. Ceux qu'on appelle al-mu'ahadoun. Et al-musta'manoun et al-dhimmiyoun. Ok. Al-mu'ahad, c'est celui qui n'est pas musulman et qui vit dans un pays, entre son pays et le tien, il y a une entente de paix. Son pays, ses dirigeants, les dirigeants de son pays ont signé des ententes et des pactes avec le dirigeant de ton pays musulman. Donc, c'est des ententes, des accords de paix, et donc leurs saints sont sacrés. Et on n'a pas le droit de porter atteinte à leur vie, ou à leur personne, ou à leur bien, ou à leur honneur. Ils sont protégés par l'islam, par les musulmans, par l'entente qu'ils ont signée. Une autre catégorie, c'est al-musta'manoun. Et al-musta'manoun, c'est les koufars qui viennent dans les pays musulmans et qui demandent aux musulmans de les laisser rentrer dans leur pays avec un visa. Al-musta'manoun. Musta'man. C'est-à-dire, al-musta'man, ça veut dire quoi? C'est la forme de istif'al de al-amn. Amina. Yu'manu. Donc ça veut dire celui qui vient en demandant la sécurité et la paix. C'est ça le musta'man. Donc lui, on lui donne un visa pour rentrer. Il vient soit en tant qu'ambassadeur de son pays, soit en tant que visiteur, soit en tant que travailleur, soit en tant que humanitaire ou des choses comme ça, ou bien il vient pour une mission quelconque, ou comme touriste. Donc ces koufars là, ils viennent habituellement pour un temps, et on n'a pas le droit de toucher à un seul de leurs cheveux, et on n'a pas le droit de leur faire quoi que ce soit. Ils sont protégés par l'islam et par les musulmans. Al-musta'manoun. Il y a une autre catégorie aussi, c'est ce qu'on appelle al-dhimmiyoun, parmi les kuffars. Et al-dhimmiyoun, ce sont les kuffars parmi les juifs et les chrétiens qui sont des habitants des pays musulmans. C'est-à-dire qu'ils vivent là-bas, ils sont installés dans les pays non musulmans et ils décident de vivre dans les pays musulmans. Et ils vivent là-bas avec les musulmans, mais avec des conditions, bien entendu. Ils doivent respecter certaines conditions. Et s'ils respectent ces conditions-là, dans ce cas-là, ils peuvent vivre et s'installer, rester dans les pays musulmans. À part, bien entendu, la Mecque et Médine et la péninsule arabe. Parce que le prophète sallam a dit « La yajtami'u dinan fi jazirat al-arab ». Pas deux religions qui peuvent être réunies dans la péninsule arabe. Mais ailleurs, dans les autres pays musulmans, oui, ils peuvent, comme en Syrie, en Palestine, en Égypte et ailleurs. S'il y a des non-musulmans qui sont là, installés là-bas et qui vivent là-bas, ils respectent certaines conditions, donc ils peuvent rester. C'est-à-dire, il y a des ulama qui disent que ça concerne que Ahlul Kitab. Il y en a d'autres qui disent ça peut inclure d'autres que Ahlul Kitab. Mais c'est une divergence entre les ulama. Et si tu lis par exemple dans Tafsir al-Tabari et Tafsir Ibn Kathir et d'autres, les ulama ils mentionnent cette divergence là. Et certains ulama me ramènent des preuves pour dire oui, ça comprend que les musulmans. Il y en a d'autres qui, que les juifs et les chrétiens. Il y en a d'autres qui disent oui, ça comprend aussi les majus. Et il y en a d'autres qui disent c'est général. Hein? Et ainsi de suite. Donc, mais de toute façon, la position qui est certes qui est plus claire, c'est que ça comprend les juifs et les chrétiens. Et non les autres. Wallahu a'lam. Cheikh Ben Baz, ça c'est la position qu'il a supportée. Et il y a des preuves là-dessus. D'autres aussi ont rajouté les majus. Wallahu ta'ala a'lam. Et le cheikh, il explique que donc ça c'est les catégories de kuffar. Il dit وكذلك من النفس التي حرم الله قتلها نفس المعاهد والمستأمن والذمي فإن هؤلاء دماؤهم وأموالهم حرام كدماء المسلمين. Il dit ceux-là, leur sang est sacré de la même manière que le sang des musulmans. Leur sang est sacré de la même manière des musulmans. Donc on voit que les Khawarij, les Takfiriyin, les Da'ish, les Qa'ida et les autres parmi les égarés de cette Ummah qui se permettent de faire des attentats terroristes pour tuer des non-musulmans, eh bien, surtout que ce sont des non-musulmans qui viennent des pays qui sont en paix avec les musulmans, lorsqu'ils les attaquent et lorsqu'ils les tuent et lorsqu'ils font ces attentats, ils désobéissent à Allah et ils contredisent les règles du Coran et de la Sunna et de l'Islam. Et ils font couler un sang qui est sacré. Et ils trahissent l'entente de paix des musulmans. Donc il n'y a pas un péché parmi un des péchés parmi les plus grands péchés que quelqu'un peut commettre, c'est Al-Ghadar. Al-Ghadar, c'est-à-dire la trahison. De trahir l'entente de paix que les dirigeants musulmans ont signée avec les non-musulmans ou avec d'autres. Donc tu trahis cette entente-là, tu as commis qu'est-ce qu'on appelle Al-Ghadar. Et ça c'est un parmi les kaba'ir, Al-Zunub. Un parmi les plus grands péchés que quelqu'un peut commettre. Et le shaykh il dit فَإِنْ هَاُولَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ حَرَامٌ كَدِمَاء الْمُسْلِمِينَ بِمُوْجِبِ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. À cause de l'entente qu'il y a entre eux et les musulmans. Leur sang est haram. Leur sang est sacré. Et il dit وَقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. وقال في قتل المعاهد من الكفار من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق والنفس التي حرم الله هي النفس المسلم ونفس المعاهد. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le meurtre d'un musulman ou d'un croyant injustement, Allah il dit dans le Coran ce qu'il dit dans le verset 93 dans Sourate An-Nisa. Donc il cite donc ce verset dans Sourate An-Nisa verset 93. C'est un verset très sévère dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Et certains ulama ont expliqué que pour y demeurer éternellement, c'est-à-dire pour y demeurer une longue période de temps. Éternellement, éternellement par rapport à celui qui l'a rendu licite. Il a rendu le meurtre licite. Ça, c'est kufr. Donc, il demeure éternellement en enfer. Celui qui n'a pas rendu le meurtre licite, et qui sait que tuer est haram, ça signifie pour un long pour une longue période de temps. Que seul Allah sait. Hein? Parce que le meurtre, c'est parmi les kaba'ir. Mais c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam si quelqu'un l'a commis. Et on sait que, à part le kufr majeur et le shirk majeur, il n'y a rien qui va faire rester quelqu'un éternellement en enfer, excepté, hein, parmi les péchés qu'il fait, excepté s'il a commis un kufr majeur ou un shirk majeur. Donc les autres kaba'ir, les autres péchés, Allah il le pardonne à qui il veut. Et donc il dit, et Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Naam. Et par rapport à celui qui n'est pas musulman, il y a des exemples qui sont mentionnés dans le verset précédent. Je pense que c'est ce verset-là. Il dit, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. C'est-à-dire, des fois, quelqu'un peut avoir, sans faire exprès, il a fait un accident, il a tué un autre musulman. Il dit, quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchit alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, la diya. Et le prix du sang, c'est à peu près, hein, dans le hadith, ça mentionne 100 chameaux. Hein? Oui, 100 chameaux. C'est ça le prix du sang. Et ça, en argent, ça fait beaucoup, il y en a une grosse somme. Alors, il dit, il doit libérer un esclave et en plus, il doit remettre le prix de sang à sa famille. À moins que celle-ci n'y renonce par charité. Donc, si la famille renonce par charité, dans ce cas-là, c'est correct. Il dit, mais si le tué appartenait à un peuple ennemi à vous, et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave. S'il appartient à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant, même s'il n'était pas musulman. Parce qu'il est relié par un pacte. Hein? Subhanallah. Il dit, celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée, pour être pardonné par Allah. Et Allah est omniscient et sage. Donc c'est pour dire, hein, comment les gens, parfois, ils rendent le sang comme si c'était quelque chose de banal, comme si c'est pas grave. Les gens maintenant, à notre époque, ils tuent des êtres humains comme si c'était des fourmis. Hein? Allah al-Musta'an. Donc ça c'est grave. Et le cheikh, il dit ensuite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de celui qui tue un non-musulman qui est en entente de paix avec les musulmans, celui qui tue celui qui est un mu'ahad, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Amr ibn al-As. Celui qui tue un non-musulman qui est protégé par une entente de paix avec les musulmans, eh bien, il n'aura pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il dit ça, ça rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Ne tuez pas une âme que Allah a rendue sacrée, excepté pour un droit. » Et il dit « L'âme que Allah a interdite et qu'il a rendue sacrée, c'est soit l'âme d'un musulman ou l'âme d'un mu'ahad, c'est-à-dire un kafir, mais qui est protégé par l'entente qu'il a avec les musulmans. » Donc, les koufas ne sont pas tous dans une même catégorie. Les koufas ne sont pas tous dans une même catégorie. C'est ça qui est important de comprendre. Hein? Et après, il dit, « وَأَمَّا الْأَمْوَالِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ أَخْذَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍ قَالَ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Donc il dit, en ce qui concerne les biens, Allah a interdit que on prenne les biens les uns des autres injustement. Et il mentionne 2 versets à ce sujet-là. Le premier verset, c'est le verset 188 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Et il mentionne un autre verset, qui est le verset 29 dans Sourate An-Nisa, qui est un verset qui est une base dans la question du commerce et dans le fait de respecter le bien d'autrui. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait un commerce légal entre vous par consentement mutuel. Il doit y avoir taradi, c'est-à-dire un consentement et une satisfaction mutuelle. Celui qui vend, celui qui achète doit être satisfait, les deux doivent être satisfaits. Et ne vous tuez pas vous-même, hein, c'est-à-dire ne soyez pas vous-même la cause de votre mort. Et il dit, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Donc, ça c'est les versets qui parlent du fait que les biens qu'on a sont sacrés et qu'un musulman n'a pas le droit de prendre les biens d'un autre. Et il cite un hadith ensuite, il dit, « Wa qala alayhi salatu wassalam, la yahillu mal umri'in muslimin illa bitib nafsin minhu. » C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de prendre les biens, c'est pas licite pour un musulman de prendre les biens excepté de quelqu'un qui est d'accord et qu'il le donne de bon gré, de plein gré, de son plein gré. Donc, tu n'as pas le droit de prendre les biens de quelqu'un, sauf si la personne accepte que tu le prennes. Il dit « وَأَخْذُ مَالِ بِغَيْرِ حَقٍ وَأَخْذُ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْغَصْبِ أَوْ النَّهْبِ أَوْ الْإِخْتِلَاسِ أَوْ يَكُونُ بِالْمُعَامَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْغِشِ وَالْخَدِيعَةِ وَالتَّدْلِيسِ وَالْمُرَابَةِ أَوْ الْقِمَارِ وَالْمَيْسِرِ وَكُلُّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَكَاسِبِ الْمُحَرَّمَةِ يُعَدُّ أَكْلًا لِلْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍ. Donc le cheikh il dit, et de prendre les biens de quelqu'un injustement ou illégalement, ça peut être fait de différentes façons. Ça peut être fait par rasb. Rasb, ça veut dire quoi? C'est comme par exemple, tu le prends par force. Hein? Tu vois quelqu'un avec quelque chose que tu veux, tu l'arraches et tu pars avec. Tu le prends de force. Ça c'est ce qu'on appelle rasb. Tu lui enlèves directement. Hein? Oui, c'est du vol. Si je te vois, par exemple, je te vois avec un cellulaire, je te dis, donne-moi ton cellulaire tout de suite. Je te l'arrache dans la main, puis je pars avec. Oui, soit que à l'arracher, ou même pas besoin de l'arracher, des fois tu le prends, tu dis, bon, je le prends, et allez, tu peux rien faire. Peut-être que la personne est vraiment plus forte, plus costaud, plus forte que toi, ou bien elle a une arme, ou elle est avec d'autres personnes. Ils sont un groupe, peut-être 10 personnes. Toi, t'as pas, t'es tout seul. Ils prennent tes biens, ils partent avec. Hein? Ou bien, un exemple du mot rasb, c'est dans Sourate Al-Kahf. Lorsque Khidr, il a fait le trou dans le bateau. Hein? Et il a dit, après quand il a expliqué pourquoi il a fait le trou dans le bateau, il a dit qu'il y avait un roi, et que ce roi-là, il prenait tous les bateaux. C'est-à-dire, il prenait les bateaux des gens, il confisquait les bateaux des gens injustement, hein? Puis par force. Tu pouvais rien faire. Donc, al-rasb, c'est ça. Al-nahb. Al-nahb, c'est quoi? C'est ça que les gens appellent voler. En général, quand quelqu'un, il se dissimule pour rentrer quelque part, pour dérober quelque chose ou le voler, sans se faire voir. Comme un cambriolage ou des choses comme ça. Hein? Donc c'est fait comme d'une manière pour la personne, elle le fait, elle se cache. Tandis que le ras, il ne se cache pas. Elle le prend direct, comme ça. Tandis que An-Nahab, non. Elle essaie de le dérober sans se faire attraper, sans se faire voir. Oui, c'est ça. Irtilas, c'est aussi la même chose, dans le même sens. C'est de dérober quelque chose, de l'enlever. Donc tout ça, ça fait partie des exemples de qu'est-ce qui est haram. On n'a pas le droit de prendre l'argent des gens, de leur voler leur possession, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui est à eux. Et après, il dit aussi, il y a également des transactions ou des interactions commerciales, économiques qui sont interdites, comme al-rish, le fait de tricher les gens. Al-khadi'a, la tromperie. Al-tadlis, hein. C'est comme si tu montres pas la vérité. Tu caches, tu fais paraître quelque chose bien alors qu'en réalité il n'est pas en bon état. Mais tu le couvres pour que la personne pense qu'il est correct. Et al-muraba, comme le riba, ça aussi c'est une façon de voler l'argent injustement. Tu dis à quelqu'un, bon, je te prête 100$ jusqu'à le mois prochain, mais tu vas me remettre 120. Quand tu vas me remettre 120 au lieu de me remettre 100. Ça, c'est aussi un exemple de prendre les biens des gens injustement. Al-qimar, c'est les jeux de hasard. Les jeux de hasard, ça aussi, c'est de prendre les biens des gens injustement. Pourquoi? Parce que toi, tu vas dire, bon, moi, je vais parier 1$ sur tel chiffre. Et l'autre, il dit, moi aussi, l'autre, après il y a comme 1 million de personnes qui ont parié sur un chiffre, hein, ou des chiffres pour gagner la loterie. Et puis il y a un qui gagne, il prend l'argent de tout le monde et il s'en va avec. Ça, c'est voler l'argent des gens. Hein. Mais parce que toi, tu as perdu 1$, tu dis, ah, c'est rien. Mais quand tu regardes les dollars de tout le monde mis ensemble, ça fait des millions. Hein? Donc, les probabilités de gagner sont tellement infimes, yani, peut-être que souvent il n'y a personne qui gagne après chaque tirage. Donc, vous imaginez combien d'argent que les gens donc payent pour ces loteries et puis finalement ils ne gagnent rien. Et la même chose pour Al-Maysir, c'est la même chose, Al-Qimar ou Al-Maysir. Al-Qimar, c'est les tirages, les loteries. Al-Maysir aussi, c'est la même chose, les jeux de hasard, les jeux d'argent, les gens qui jouent aux cartes pour de l'argent ou qui parient sur des courses, sur des jeux, sur des parties de sport, sur des trucs comme tout ça, c'est haram, tout ça c'est interdit. Les billets de loterie, les tirages, tout ça c'est catégorie de haram. Et ça fait partie de manger les biens des gens injustement. Hein? Donc c'est pas permis. Ici par exemple, bon, c'est la loterie, c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Au Québec, c'est la Loto-Québec. Dans d'autres pays, c'est la mafia. Dans d'autres pays, c'est la mafia. Donc, dans d'autres pays, c'est des petits trucs, il y en a, c'est pas des grosses choses. J'ai allé dans certains pays, comme en Haïti par exemple, c'est pas des gros tirages comme ici, là. Ici, c'est des millions des fois. Une personne peut gagner 10 millions ou plus. Dans d'autres pays, tu vois, c'est des petits tirages, pas beaucoup d'argent, mais les gens, ils donnent quand même. Tout le monde espère gagner. Et surtout les personnes âgées, tu les vois, ils viennent, là, ils prennent, donne de l'argent comme ça. Bon, après ils gagnent rien. Tout l'argent qu'ils ont payé, ils ont perdu pour rien. Puis ils ont rien en retour. C'est ça le pire. Hein? Ils ont rien en retour. C'est pas comme quand tu prends ta marchandise, tu dis bon, je vais acheter des tomates, des patates, des fruits, des légumes. Tu donnes ton argent, on te donne la marchandise. Là, on te donne rien en retour. Tu donnes ton argent et on te donne en retour un billet. Ce billet, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu perds, il ne vaut plus rien, tu le mets aux poubelles. Ça, donc ça, c'est du vol. Hein? Et il dit, وَكُلُّ وَجْهٍ مِّنْ وُجُوهِ الْمَكَاسِبَ الْمُحَرَّمَةِ يُعَدُّ أَكْلًا لِلْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍ. Donc, toutes les différentes formes de gains financiers qui sont interdits, et ça rentre dans le fait de manger les biens illégalement et injustement. Donc l'islam interdit tout ça. D'accord? Donc ça c'est pour dire. Même par exemple, il y a des trucs là, par exemple, des fois les gens ils voient c'est comme... C'est des trucs insignifiants. Mais ça rentre dans les exemples de qimar, de jeux de hasard. Une machine qu'ils mettent dans un supermarché ou un centre d'achat ou un centre commercial, c'est tu mets 2 dollars ou 3 dollars ou même plus des fois et tu as le droit d'essayer d'attraper un cadeau ou une poupée, quelque chose, un nounours ou quelque chose pour les enfants. Donc toi tu viens, tu mets ton argent, tu fais descendre le truc, tu essaies de l'attraper, puis après tu des fois tu rattrapes rien parce que la façon dont c'est fait, c'est pas vraiment ça sert pas vraiment solidement le truc, donc tu peux pas le prendre. Et les ulama, ils ont dit t'as pas le droit de, comme on dit, acheter à l'aveuglette, dans le sens que quand tu donnes ton argent pour une marchandise, il faut que tu désignes spécifiquement quelle marchandise tu achètes. Tu ne peux pas dire j'achète n'importe quelle de ces marchandises-là pour tel montant. Hein? Non, il faut que tu désignes qu'est-ce que tu vas acheter. Et donc, dans ce sens-là, cette marchandise, dans cette machine, ce n'est pas permis d'y jouer parce que tu mets ton argent, mais c'est pas, premièrement, ce n'est pas garanti que tu vas gagner. Et deuxièmement, tu ne peux même pas désigner exactement lequel de ces trucs tu vas attraper. Donc dans ce cas-là, ça rentre dans qu'est-ce qui est haram de faire. Et donc t'as pas le droit de mettre ton argent dans cette machine. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Les gens à notre époque, ils ont développé des méthodes ou des moyens vraiment sournoises pour voler l'argent des gens, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Donc ça, il faut faire attention. C'est pas comme une machine distributrice. Tu mets ton argent, tu appuies les chiffres, tu reçois ce que tu as, hein, ce pourquoi tu as mis ton argent, tu le reçois. Ça, c'est correct. Hein? Mais cette machine-là, non, c'est pas la même chose. Hein? Donc, il dit ensuite le Cheikh, وَأَمَّا الْأَعْرَاضُ فَالْعِرْضُ هُوَ مَا يُمْدَحُ فِيهِ الْإِنسَانُ أَوْ يُذَمُّ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَاوَلَ عِرْضَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالنَّمِيمَةِ أَوْ الْغِيبَةِ قَالَ جَلَّ وَعَلَا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال في النميمة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وكذلك لا يجوز تناول عرض المسلم بالسباب والشتم والقذف ولأجل ذلك رتب الله الحد على القاذف ومعنى القذف أن يرمي مسلما بالزنا أو اللواط وفي هذه الحالة إما أن يأتي القاذف ببينة على قوله وإلا فإنه يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل له شهادة أبدا. Le cheikh il explique, il dit en ce qui concerne l'honneur, dans l'islam l'honneur il est sacré. T'as pas le droit de porter l'atteinte à l'honneur de quelqu'un. Et il dit l'honneur c'est quoi? C'est ce par quoi quelqu'un est loué ou blâmé. C'est ce par quoi quelqu'un est loué ou blâmé. Et donc, il n'est pas permis aux musulmans ou à quelqu'un de porter atteinte à l'honneur de son frère musulman, soit en parlant dans son dos, ou en semant des rumeurs à son sujet, et en propageant à son sujet des rumeurs. Tout ça, c'est interdit. Et il mentionne au sujet de parler dans le dos du musulman, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 12 dans sourate Al-Hujurat et qui signifie que ne parlez pas dans le dos les uns des autres, ou ne faites pas de la médisance, ne médisez pas les uns contre les autres, ou ne parlez pas dans les uns dans le dos de l'autre. Et il dit par la suite, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Hein? Ça c'est quelque chose que vous détesteriez faire. Et il dit, la namima, namima c'est quoi? C'est lorsque tu racontes des choses dans le dos de ton frère et tu propages des rumeurs dans le dos de ton frère ou une femme dans le dos de sa sœur musulmane. Et il mentionne à ce sujet les versets dans Surat Al-Qalam, versets 10, 11 et 12 dans Surat Al-Qalam. Donc dans ces versets, il décrit les caractéristiques de celui qui fait qu'est-ce qu'on appelle en arabe an-namima, an-namima, colporteur de médisance. Donc il dit, et n'obéis pas à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance et grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur. Donc ça c'est à propos de celui qui propage c'est an-namima, hamazin masha'im binamim. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est apporté par l'imam muslim dans son sahih selon Hudhayfa, il dit, celui qui fait namim, il n'entre pas au paradis. An-namam, an-namam, c'est celui qui fait namim tout le temps, parler dans le dos, il n'entre pas au paradis. C'est une menace. C'est une menace. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Hein? Ça ne veut pas dire que s'il fait le namima, il entrera pas comme au paradis, c'est-à-dire il va être éternellement en enfer. Non. Ça veut dire qu'il est sous la menace de ne pas rentrer au paradis s'il agit de cette façon. Et le cheikh, il dit, وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ. Donc il n'est pas permis de porter atteinte à l'honneur du musulman, soit en l'insultant, ou en le calomniant, ou en l'accusant injustement ou faussement. Ça c'est quelque chose maintenant, yani, surtout dans les sociétés de kufr, ici on a grandi dans ces pays-là, les gens prennent ça à la légère. Les gens s'insultent tout le temps, jour et nuit, dans la rue, partout. Dans l'islam, si quelqu'un t'insulte, tu peux l'amener en cour. S'il porte ta tête à ton honneur, tu peux l'amener en cours, demander une réparation pour ça. Ici, si tu veux faire une appel contre quelqu'un, par exemple, pour atteinte à ton honneur ou à la diffamation, c'est pas facile, hein. Et c'est pas quelque chose qui, les gens, ils donnent pas d'importance à ça aujourd'hui. Et c'est rare que tu vas gagner un de ces cas-là, à moins que ce soit vraiment grave. Et en tout cas, ici on voit que dans l'islam, ça c'est quelque chose qui est respecté. Et il dit, si par exemple, quelqu'un accuse quelqu'un d'autre d'avoir fait une turpitude, un grand péché, très laid, comme par exemple la fornication, ou l'adultère, ou d'avoir commis la sodomie, dans ce cas-là, celui qui a fait l'accusation, il doit ramener des preuves, des témoins. S'il ne ramène pas de témoins, c'est lui qui sera puni. S'il ne ramène pas des témoins, c'est lui qui sera puni. Et c'est ce qu'on appelle en arabe al-qadf. Al-qadf. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi contre al-qadf une sévère punition. Et il dit l'exemple de al-qadf, il dit, ça signifie d'accuser un musulman d'avoir fait l'adultère ou la fornication ou un homme ou une femme, tu l'accuses d'avoir fait l'adultère ou la fornication, ou bien d'avoir fait l'homosexualité, hein, comme on dit la sodomie, hein, d'avoir commis la sodomie. Le cheikh, il dit, dans ces cas-là, la personne qui accuse doit ramener une preuve. Et si elle ne ramène pas la preuve, quatre témoins, dans ce cas-là, c'est elle qui va être flagellée. Elle va recevoir en punition 80 coups de fouet pour avoir accusé quelqu'un sans être capable de produire une preuve. Hein? Et non seulement elle va recevoir 80 coups de fouet, mais en plus, elle ne va plus être reconnue comme quelqu'un de honnête et fiable, dans le sens que elle ne pourra plus jamais témoigner en cour pour ou contre quelqu'un. On va pas accepter son témoignage, ni en la faveur ni contre quelqu'un, parce que c'est pas une personne qui est franche et honnête. Et il y a le cas où par exemple un homme, il rentre chez lui et trouve sa femme en train de faire le zina. Hein? Et ça, c'est un cas qui est mentionné dans le Coran. Ça s'appelle en arabe al-li'an. Al-li'an. Et dans ce cas-là, en particulier, il y a un sahabi qui est venu, il a dit, ô messager d'Allah, est-ce que si un homme, il rentre chez lui, il trouve sa femme avec un autre homme, il va aller courir chercher, il y en a trois témoins, hein, pour que ça fasse quatre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé des versets pour expliquer, dans ce cas-là, qu'est-ce que le croyant, il doit faire. Hein. Et c'est dans Surat An-Nur, les versets qui parlent de Al-Li'an. Ça dit, et ceux qui, je donne tout de suite la traduction, le verset 4 qui dit, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage, et ceux-là sont les pervers. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. Et non. Après il dit, et dans le verset 6 il dit, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Et ainsi de suite. Donc ça signifie quoi? Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leur propre épouse sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah. Donc la personne va jurer quatre fois par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième attestation est la malédiction d'Allah, que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et la même chose pour la femme. Et on ne lui affligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste quatre fois par Allah qu'il, son mari, est certainement du nombre des menteurs. Et la cinquième attestation est la colère d'Allah sur elle si elle était du nombre des véridiques. Donc ça, c'est les versets qu'on appelle al-li'an, dans les cas où l'homme il accusait sa propre épouse d'avoir commis l'adultère. 6, 7, 8, les versets qui suivent. An-Nur, oui. Donc, le cheikh cite ce verset-là. Il dit, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ. Donc, ceux qui accusent les femmes chastes d'avoir fait l'adultère et qui n'ont pas produit quatre témoins, eh bien, ils doivent recevoir 80 coups de fouet et on n'acceptera pas leur témoignage. La même chose si quelqu'un il accuse quelqu'un d'autre d'avoir commis la sodomie. La même chose. Et il dit, وَلِهَذَا الْقَاذِفْ عُقُوبَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْفِسْقِ إِلَا أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ. Un autre châtiment pour cette personne, c'est qu'elle va être jugée comme étant une personne perverse, fasiq, jusqu'à ce qu'il se repente à Allah. Mimma yadullu ala hurmati 'irdi al-muslimi hayyan aw mayyitan. Et ça, c'est quelque chose qui vient prouver l'honneur, hein, et l'honneur du musulman, il est sacré, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. Son honneur, quand il est mort, elle est la même que lorsqu'il est vivant. Elle doit être respectée. Il dit والأعراض محترمة ومصانة كما هي الدماء والأموال. Et donc, l'honneur du musulman, elle doit être respectée et protégée comme les biens et comme le sang de la personne. Il dit ensuite وقوله صلى الله عليه وسلم كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا في بلدكم هذا أي اليوم الذي خطب فيه صلى الله عليه وسلم وهو يوم عرفة أي وفي بلدكم هذا يعني مكة وفي شهركم هذا يعني شهر ذي الحجة فاجتمعت في هذا اليوم ثلاث حرمات فدم المسلم وعرضه وماله حرام كحرمة هذه الأشياء الثلاثة مما يدل على مكانة المسلم عند الله عز وجل. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit que ces choses-là, ces trois choses-là sont sacrées, eh bien il mentionne que c'est aussi sacré que le jour de Arafat, que le mois de Dhul Hijjah et que cette terre, c'est-à-dire la terre de la Mecque. Ces trois choses sacrées qui sont réunies en même temps, hein, dans le lieu et dans le temps. Un mois sacré, un jour sacré, un lieu sacré. Ces trois choses sacrées réunies, eh bien, c'est yani pour comparer à quel point la vie du musulman et son sang et son honneur et ses biens sont sacrés. Aussi sacrés que ces trois choses sacrées réunies. Hein? Donc ça veut dire que pour Allah, le musulman, il a un statut très élevé, très important. Et son sang, ses biens, son honneur, c'est très important pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sacré. Hein? Et il dit وقوله ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وهذا نوع آخر في هذه الخطبة المباركة وهو إبطال أمور الجاهلية أي كل ما كانت تتفاخر به وتتعاظمها تعظمها بالآباء وافتخارها بالأنساب وأكل الربا والمطالبة بالثارات ووضع الدماء فبدأ بدم ابن ربيعة ووضع الدماء فبدأ بدم ابن ربيعة ابن الحارث من بني هاشم لأنه قتل في الجاهلية وهو صغير فالرسول صلى الله عليه وسلم أوقف المطالبة به لأن ذلك وقع في الجاهلية وأما في الإسلام فإن الدماء يطالب بها إذا سفكت بغير حق فيجوز حينها لولي الدم أن يطالب بالدية وقال تعالى ومن يقتل مظلوم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. Donc le cheikh il explique que dans cette khutba le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a annulé plein de choses qui ont rapport avec la jahiliya, c'est-à-dire avec la période pré-islamique et qu'est-ce qui était avant l'islam. Donc tout ce qui était relié à la jahiliya et que les gens se vantaient de leurs ancêtres et de leur généalogie, ils dénigraient les autres, ils mangeaient du riba, ils faisaient des attaques contre les autres, les tribus s'attaquaient les unes les autres, et quand il y avait une victime ou quelqu'un, son sang n'avait pas été vengé, eh bien ça restait bien longtemps après jusqu'à ce que la personne soit vengée, comme des vendettas. Hein? Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est fini, tout ça. Hein? Tout ça, c'est en dessous de mon pied. Et vous ne pouvez plus demander à réparer qu'est-ce qui a été fait pour la jahiliya, c'est annulé maintenant, c'est fini, il n'y en a plus. Le cheikh, il dit toutefois, si dans l'islam, quelqu'un a tué une autre personne, et qu'il l'a tué injustement, dans ce cas-là, c'est permis pour le dirigeant de l'exécuter et de demander qu'il paie le prix de sang de la personne, à la famille de la personne. Et il mentionne le verset qui parle de ça justement dans le Coran, « Waman qutila mazlouman » et celui qui a été tué, injustement, illégalement, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. On a donné à son proche parrain une autorité et un pouvoir de demander la réparation et le prix de ça. Il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ وَرِبَ الْجَاهِلِيَةِ مَوْضُوعُ يَعْنِي بَاطِلُ وَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ. يعني هذا موضوع آخر مهم من موضوعات هذه الخطبة المباركة. Donc le Cheikh il dit, en ce qui concerne la riba, c'est la même chose. Riba c'est yani le fait de prendre un surplus d'argent sur le prêt qu'on donne à quelqu'un. Et le cheikh il dit tout ça c'est annulé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ça c'est maudou, en voulant dire c'est annulé, c'est faux, c'est plus valable. Puis après il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ensuite à propos des femmes, et il a dit alors craignez Allah au sujet des femmes, parce que vous les avez prises par le gage d'Allah, par le dépôt d'Allah, hein? Et il explique que ça c'est un autre sujet parmi les sujets de cette khutba. Et il dit ومسألة النساء التي هي مشكلة العصور وفتنة الأجيال فإن النساء فتنتهن عظيمة للرجال. Il dit cette question c'est le problème des siècles et des époques, c'est la fitna des générations, l'épreuve des générations et la tribulation et l'épreuve des générations. Et il dit que la femme, elle est une épreuve, une grande épreuve pour l'homme. Il dit وَقَدْ جُبِلَ كُلٌّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الْمَيْلِ لِلْآخَرِ. C'est-à-dire les hommes et les femmes, Allah les a créés de manière à ce qu'ils s'attirent les uns les autres et qu'ils cherchent, ils se cherchent l'un l'autre. Il dit وَإِنَّمَا جُعِلَ هَذَا الْمَيْلِ لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ بَقَى النسل. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait cette attirance et ce penchant de l'homme envers la femme et de la femme envers l'homme pour une raison, pour une sagesse. Et cette sagesse, c'est que l'humanité continue à se multiplier, hein, et pour qu'on puisse avoir une progéniture. Il dit ورتب الله طريقا شرعيا وهو الزواج. Et il a établi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi une méthode ou un moyen légal pour que cette progéniture se produise et que les hommes puissent continuer à se reproduire, mais d'une façon légale, et c'est dans le mariage. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Il dit celui qui essaie de dépasser cette limite et d'aller derrière cette limite du mariage et de prendre son plaisir en dehors du mariage, ceux-là sont les transgresseurs. Et il dit فَإِنَّهُ لِأَنَّهُ اِسْتَمْتَاعَ بِوَضْعِ الشَّهْوَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَمَفَاسِدُهُ عَظِيمَةٌ وَخَطِيرَةٌ على المجتمع من تضييع الأعراض واختلاط الأنساب. ولهذا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Donc le cheikh il dit que la personne, donc si la personne elle fait elle cherche son plaisir en dehors du mariage, ça ramène des conséquences et des méfaits très graves et dangereux pour la société, qui vont faire en sorte que l'honneur sera perdu, hein, il n'y aura plus de respect de l'honneur et de la dignité, et en même temps aussi les liens de parenté vont devenir confus et mélangés, hein, parce que les gens vont par exemple avoir quelqu'un qui est marié avec une femme, et elle a un rapport avec un homme en dehors du mariage, alors l'enfant qu'elle va avoir, si elle a jamais un enfant, ce sera pas l'enfant de son mari, donc lui il va être un étranger, un intrus dans sa famille, qui vient prendre une part de l'héritage des enfants qui ne lui appartient pas, qui prive en fait les autres. Et aussi ça ramène beaucoup d'autres méfaits, hein. Et subhanallah, dernièrement je lisais justement à propos de toutes les sagas et les problèmes qui se sont produits en Europe à cause justement de ces histoires avec la monarchie, les rois, et comment parfois ils se mariaient tous les uns avec les autres, chaque roi, chaque monarque qui, par exemple, d'un pays à l'autre, ils s'échangeaient, bon, ils se mariaient les uns les autres, cousins, cousines et proches de cette façon. Et parfois, il y avait des conflits parce que un roi, par exemple, n'était pas satisfait de sa femme. Alors, étant donné que l'Église catholique avait interdit le divorce, hein, ça causait des problèmes. Il ne pouvait pas avoir deux femmes en même temps. Bon, si, c'est pour ça que des fois, je pensais à ça, je me dis, imaginez, si les rois d'Europe avaient été musulmans. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire on aurait été épargné de beaucoup de mal, hein? Parce que déjà, premièrement, dans l'islam, le divorce est permis, hein? Donc il n'y aurait pas eu tous ces problèmes, hein, comme le roi par exemple Henri VIII en Angleterre. Il n'a pas pu se divorcer alors qu'il ne voulait plus de sa femme. Il avait été forcé d'épouser la femme, la veuve de son frère, hein? Et quand il l'a mariée par la suite, ben il a voulu se marier avec une autre femme, parce que étant donné qu'il n'a pas eu d'enfant avec elle, de garçon plutôt, donc lui voulait un enfant qui allait prendre, hein, le pouvoir à sa place quand il allait mourir. Donc il ne pouvait pas se divorcer, donc il fallait qu'il demande au pape la permission d'annuler son premier mariage. Mais l'Église catholique et le pape refusaient de faire annuler ce mariage-là. Hein? Parce que pour eux, quand t'es marié jusqu'à la mort. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de se détacher de la religion, il a décidé de se détacher de Rome. C'est comme ça qu'est née l'Église anglicane en Angleterre. Ça a créé une nouvelle religion à cause de ça. L'Église anglicane. Bon, c'est comme une autre version de la religion catholique, mais qui ne reconnaît pas l'autorité du pape. C'est plus proche du protestantisme que de la religion catholique. Et la reine aujourd'hui, c'est elle, la chef de l'Église anglicane, c'est la reine d'Angleterre, reine Elisabeth II. Non. Donc, tout ça, ça a eu des conséquences historiques graves. Hein? Et sinon, même si le roi il avait des enfants, des fois en dehors du mariage, parce qu'ils avaient plein de maîtresses, hein, mais ce n'était pas reconnu comme les enfants qu'il avait avec celle avec qui il était marié. Oui, bien sûr. Et non seulement ça, subhanallah, qu'est-ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il ne pouvait qu'avoir une seule femme en même temps. Alors que s'il était musulman, il aurait pu avoir quatre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Hein? Mais étant donné qu'ils ont choisi la religion du mensonge et la fausse religion au lieu de l'islam, ils n'ont pas pu être préservés de toutes ces questions-là. Et donc il y a plein d'histoires, Allah musta'an, qui si on observe le mal que l'Église catholique a fait en Europe, qui sont tout ce qu'on voit aujourd'hui comme rébellion et opposition à la religion, et l'explosion de perversité dans les mœurs et dans la morale, que les gens sont plongés dans l'obscénité, la perversité, tout ça, ça découle de l'extrémisme et de l'exagération de la religion catholique. Comment ils ont opprimé et opprimé les gens et les ont empêchés de vivre selon leur nature. Hein? Et donc, imposer par exemple aux prêtres de ne pas se marier et aux religieuses de ne pas se marier non plus, jusqu'à ce que par la suite on entende qu'ils violent des petits-enfants, qu'ils font ce genre de crimes, et les religieuses la même chose, et par la suite imposer toutes sortes de règles immorales aux individus, au peuple, jusqu'à ce que par la suite ils tombent dans le péché, puis dans la perversité, puis qu'on voit aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait, la soi-disant révolution sexuelle dans les années 60, qui par la suite a ramené toutes sortes de maux et de perversités dans la société occidentale. Donc tout ça, ça découle de la religion chrétienne, catholique, qui a dépassé les limites d'Allah, et à cause de ça, ça fait que les hommes ont transgressé dans l'autre extrême. Et c'est ça, en général, tu trouves en Occident. Ils passent d'un extrême à l'autre. Soit, à un moment donné, ils étaient extrêmes dans la religion, comme on l'a vu dans les cours précédents. On a vu comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué comment les chrétiens et les juifs, comment ils sont extrêmes dans la religion. Ils sont passés par la suite à l'autre extrême. L'extrême dans la perversité et dans l'opposition à la religion. Et là, peut-être après, ils vont tomber dans l'autre extrême encore, ils vont revenir. Hein? Donc c'est pour ça, ils vont toujours d'un extrême à l'autre. Et leur histoire, c'est comme ça. Parce que, étant donné qu'ils ont contredit la loi d'Allah et les règles d'Allah, et la vraie religion qui n'a pas été falsifiée par Allah, et qui s'écarte de l'islam, à cause de ça, ils ne peuvent pas trouver de stabilité et d'équilibre. Et c'est ça la réalité. Et donc le cheikh, il dit, celui donc qui dépasse les limites d'Allah et qui cherche à satisfaire ses désirs sexuels en dehors du mariage, eh bien, il crée un grand désordre, de grands méfaits à la société. Hein? Et il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat, je crois que c'est surat Al-Isra, il dit « Wala taqrabu zina » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et n'approchez pas la fornication ou l'adultère. » C'est certes une grande turpitude, un péché très laid et une mauvaise voie. Il dit « Wala shakka anna fitnata an-nisa azima lima fihinna min al-unusa wa lima futira alayhi ar-rijal wan-nisa min mayli ahadihim ila al-akhar. » Donc il dit qu'il n'y a pas de doute que la tentation de la femme est grande. C'est-à-dire que l'homme est tenté par la femme, et qu'il y a dans la femme une grande tentation pour l'homme à cause de sa féminité. Et il dit que les hommes et les femmes ont été créés dans leur nature avec un penchant l'un envers l'autre. Ça, c'est normal. Et il dit وَتَزْدَادُ الْفِتْنَةِ إِذَا تَجَمَّلَتْ النِّسَاءُ وَخَلَطْنَا الرِّجَالِ. Il dit cette tentation, elle augmente lorsque les femmes s'embellissent et se mélangent aux hommes. Il dit voilà si yama shabab minhum. Il dit en particulier les jeunes parmi eux. Les quwwati shahwati indahum. Il dit à cause de la force du désir qu'il y a en eux. Les jeunes ont plus de désir que, et yani, disons de passion ou de désir, yani, que les personnes âgées ou que les personnes plus vieilles. Il dit فالمقصود أن النساء أخطر فتنة على المجتمعات. Il dit donc qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est que la femme est une grande tentation pour les sociétés. Il dit ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cause de ça, craignez donc la dunya, prenez garde à la dunya et prenez garde aux femmes. Car la première tentation, première épreuve des fils d'Israël était dans la femme, à propos de la femme. Et ça c'est rapporté par l'imam muslim selon Abu Sa'id al-Khudri. Et il dit dans un autre hadith, alayhi salatu wassalam, « Ma taraktu ba'di fitnatan » Il dit, je n'ai pas laissé après moi une épreuve plus dure pour l'homme que la femme, que les femmes. Donc il dit, ولهذا تجد أن الإسلام يحافظ على النساء محافظة تامة. Il dit, c'est pour cette raison-là que l'islam, il préserve la femme et la garde de façon totale et complète. خوفا من الافتتان والفاحشة. Donc il dit que la raison pour laquelle l'islam préserve la femme de cette façon, c'est par la crainte de la tentation et de la turpitude, et par la crainte de perdre hein, les liens de sang et de parenté et de, d'avoir un mélange entre les progénitures et entre les liens de parenté. Il dit وَوَضَعَ ضَوَابِطْ تَصُونُ الْمَرْأَ مِنْ جِهَا وَتَمْنَعُ مِنْ شُيُوعِ الْفَاحِشَةِ وَالْإِفْتِتَانِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. Donc là, la religion de l'islam a établi des règles et des principes qui préservent et qui protègent la femme d'un point de vue et qui empêchent la propagation et la prolifération de la turpitude et de la tentation d'un autre point de vue. Hein? Donc ça c'est la réalité à ce sujet-là, la réalité de l'islam à ce sujet-là. Alhamdoulillah, on voit dans les règles de la religion de l'islam la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il a établi des barrières et des limites justement pour préserver la femme et pour préserver la société de toutes sortes de problèmes et de maux qui peuvent être la cause de grands désordres. Et on a juste à observer la société dans laquelle on vit, qui prétend vivre avec la liberté et toutes sortes de valeurs qu'ils ont inventées, mais que quand on enlève, disons, la pelure qui est un peu brillante, ou qui essaie de camoufler la réalité de cette société, eh bien, on constate qu'à l'intérieur de cette apparence, il y a en réalité l'intérieur qui est complètement pourri. Et c'est là qu'on voit la réalité des problèmes et des maux qui règnent dans cette société, qui est une société qui est, comme on dit, corrompue jusqu'à l'os. Hein? Et n'importe qui est honnête et qui analyse les choses comme il faut, il est conscient de ça. Excepté ceux qui ont été aveuglés par leurs désirs et par leurs passions et qui ne sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez, malheureusement. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là, malheureusement. Et le cheikh, il dit « Wa anna Allaha shara'a lil mar'a » Donc là, il commence à expliquer des règles par rapport à la femme et comment l'islam a protégé la femme. Mais on va s'arrêter ici parce que on n'aura pas le temps d'aller en détail là-dessus. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah, l'explication de ces détails au sujet des règles de l'islam par rapport à la femme, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم